Jonas le prophète. Je vous préviens, chers auditeurs, il sera difficile de ne pas se trouver en pays de connaissance devant les sautes d'humeur et les emportements de ce croyant au tempérament impulsif, irritable et têtu. En tout cas, je me sens pour ma part pris à partie par la description sobre mais réaliste que nous donnent les quatre courts chapitres de l'Ancien Testament qui lui sont consacrés. Le livre de Jonas s'ouvre ainsi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Pour ceux qui ont le privilège de connaître l'hébreu, la langue originelle de l'Ancien Testament, ces mots devaient revêtir une toute autre consonance. La parole de l'Éternel fut adressée à M. Colombe, fils de M. Vérité divine. Comme à l'époque, les noms étaient porteurs des vœux les plus chers des parents, tout laisse supposer que la famille de Jonas comptait parmi les plus pieuses d'Israël. Depuis l'histoire de Noé et du déluge, la colombe a toujours été le symbole du Saint-Esprit. Aussi les parents de Jonas ont-ils sans doute exprimé par ce nom de colombe leur profond désir que leur fils devienne un messager de l'Esprit de Dieu. Or Israël n'avait-il pas grand besoin d'un envoyé du Seigneur inspiré par le Saint-Esprit, puisqu'en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, il avait complètement abandonné l'Éternel? On s'en souvient peut-être, 2 siècles auparavant, un schisme avait scindé en deux l'Empire de Salomon. Le royaume d'Israël proprement dit, composé des 10 tribus du Nord, s'était détaché de celui de Juda. Et alors que cette tribu de Juda témoignait encore de sa foi en continuant de servir l'Éternel au temple de Jérusalem, le royaume du Nord s'était laissé entraîner à l'idolâtrie sous l'impulsion du roi Jéroboam Ier. Puis les choses étaient allées de mal en pis. On se souvient de l'odieux roi Akab et de l'impie reine Jézabel, ainsi que de leurs successeurs régnant à Samarie. Après le ministère fécond des prophètes Élie et Élisée, le royaume de Samarie était retombé dans la léthargie spirituelle et dans l'oubli de Dieu. Et soudain, un élan politique pousse le peuple dans un courant de nationalisme effréné, au point que nous lisons, au sujet du roi Jéroboam II, qui accéda au trône en l'an 782, « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath, vers la Syrie, jusqu'à la mer de la plaine, sans doute la mer morte, à l'embouchure du Jourdain, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète. » 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Jonas avait donc été chargé d'un message de la part de Dieu. C'était l'exaucement de la prière de ses parents. Il reprenait ainsi le flambeau que le prophète Élisée avait déposé quelques 20 ans auparavant. Ces exhortations prophétiques ont appuyé l'entreprise du roi Jéroboam II qui avait mobilisé ses troupes pour récupérer la partie septentrionale du pays que les Syriens occupaient depuis des générations. On se croirait presque au 20e siècle de l'ère chrétienne, puisque c'est dans ce même territoire du Golan que les Israélites de notre époque ont aussi refoulé les Syriens. Jonas le patriote. Monsieur Colombe souhaite certainement la paix et la prospérité de son peuple. Le voici devenu soudain le prédicateur en vogue, la vedette des meetings populaires. Peut-être enflammait-il ses auditoires en engageant la nation à retrouver sa grandeur d'antan. Seulement voilà, un prophète de Dieu est plus qu'un meneur politique qui harangue les foules par les slogans que tous veulent entendre. Il est parfois appelé à dire des choses désagréables qui le rendront impopulaire. Ainsi, la parole de l'Éternel lui fut adressée une nouvelle fois, non pas pour engager le roi Jéroboam II à de nouvelles conquêtes, mais pour transmettre un avertissement à Ninive. Ninive, la capitale de l'empire des Assyriens, à ne pas confondre avec le petit royaume des Syriens. Ninive, probablement la plus grande ville de l'époque, alors que son roi était le plus puissant des dictateurs. Pour Israël, la menace représentée par les Assyriens était d'une toute autre dimension que celle représentée par les Syriens de Hamath. Non pas un petit pays satellite, mais un grand empire. Et voici que Jonas, le prophète juif, risque de devenir l'artisan d'un grave incident diplomatique entre Samarie, la capitale d'Israël, et la super métropole de l'Assyrie. Car Dieu lui a dit « Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle, car car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas, chapitre 1, verset 2. « Dites-moi, si vous, chers auditeurs, étiez chargés de traverser une ville de l'envergure de Paris et de proclamer dans ses rues que la méchanceté de ses habitants dépasse les bornes, quels sentiments éprouveriez-vous ? D'autant plus que vous n'auriez ni comité de soutien pour vous appuyer, ni cordon de police pour vous protéger. Vous seriez tout seul pour dire à 1 million de personnes, car c'est là l'estimation fort sérieuse des historiens au sujet de Ninive, « Votre méchanceté est si grande qu'elle appelle le jugement imminent de Dieu sur votre ville. » N'éprouveriez-vous pas un frisson d'angoisse devant cette mission ? Ah, même les plus courageux d'entre vous chercheraient par tous les moyens à se défiler devant l'ordre reçu. Mission impossible, diriez-vous. Mais ne croyez-vous pas que Dieu était capable de prendre soin de Jonas, même à Ninive, et de l'employer là ? La suite du récit le prouvera. Mais pour l'instant, Jonas n'en veut rien. Il a des raisons supplémentaires pour s'esquiver. De nature pessimiste, il pèse le pour et le contre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il a donc calculé à l'avance les conséquences possibles d'une telle proclamation. Il prévoit les pires ennuis qui ne manqueront pas de lui arriver. S'il crie sur les places de Ninive à la méchanceté de ses habitants, la police ne tardera pas à l'arrêter et à l'incarcérer. Et si, au contraire, des Ninivites se mettent soudain à le prendre au sérieux et se repentent de leur faute, Dieu ne leur pardonnera-t-il pas ? Or, vous le lirez dans 2 Rois 14, versets 26 à 27, l'Éternel venait de prouver sa miséricorde envers les 10 tribus du Nord qui pourtant ne méritaient rien, au point de leur assurer une extension territoriale. Alors, Dieu n'est-il pas capable de faire aussi grâce à Ninive, l'ennemi numéro 1 d'Israël, dont le potentiel militaire dépasse l'imagination ? Et dans ce cas, la grande Assyrie ne va-t-elle pas faire du royaume de Samarie une bouchée ? Non, M. Colombe est un fervent patriote. Il n'ira pas exhorter ses ennemis à la repentance pour que bien résulte. Dieu n'a qu'envoyer quelqu'un d'autre. Il s'en ira donc ? Il partira le plus loin possible, là où personne ne pourra ni le reconnaître ni le poursuivre. Il ira au bout du monde s'il le faut. Et ce bout du monde qu'on appellerait aujourd'hui Tahiti, l'Alaska ou les Malouines, se nommait alors Tarsis, en Espagne. Et voilà pourquoi M. Colombe quitte sa paisible Galilée pour se rendre à l'agence touristique du port de Jaffo, aujourd'hui Jaffa. Il y retient sa place à bord d'un navire qui, auquel aubaine, est justement en partance pour l'extrême occident. Nous lisons verset 3. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, qui n'est pas à courir moyen, semble-t-il, a payé son billet pour s'embarquer à bord de ce qui n'est pas un transatlantique, mais tout de même un transméditerranéen. Ah, peut-être le savez-vous par expérience, chers amis à l'écoute. Lorsqu'on veut désobéir à Dieu, on trouve toujours l'argent nécessaire pour se soustraire à son devoir d'époux ou d'épouse, d'enfant ou de parent, d'employé ou de patron. Pour Jonas, la facture sera salée, comme nous le verrons la prochaine fois. Oui, chers auditeurs, il n'y a pas que les adolescents qui font des fugues. Nous aussi, nous sommes capables d'incartades au moment où Dieu nous appelle. Dieu nous a-t-il fait entendre sa voix au travers du texte sacré ? Nous a-t-il souligné une situation à régler, un geste de réparation à faire, une lettre à écrire, un sacrifice à consentir, un acte de soumission à accomplir ? Ah, c'est si facile de fuir quand Dieu nous parle. Peut-être que comme Jonas, nous n'avons pas eu de peine à payer le prix du transport, ni de repérer le bateau de nos désobéissances, arrimé au quai de nos hésitations, pour qu'il nous emporte, loin de la volonté de Dieu, vers le grand large de l'insoumission et de la révolte. Qu'avez-vous fait jusqu'ici du plan de Dieu pour votre vie ? Avez-vous fui les hommes ou les circonstances ? Mais vous ne pouvez fuir Dieu et échapper à sa main. Le roi David s'en est rendu compte à ses dépens